Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Un affrontement qui a eu lieu hier mardi entre les militaires du contingent burundais en Somalie et le groupe terroriste El-Shabaab a fait 9 blessés côté burundais, dont 3 grièvement. Dans ce journal, vous entendrez le colonel Gaspard Valatouza, porte-parole de la Force de Défense Nationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage appelle les cultivateurs à s'atteler à l'irrigation de leurs champs pour parier à la perturbation des changements climatiques. Deogui Derulema déclare que les récoltes pour la saison culturelle A sont en dessous de 50% des prévisions. Placide Niyomungere nous en dira plus dans quelques instants. La dévaluation de la monnaie burundaise qui ne concordait pas avec le plafond de 450 000 francs burundais sur lequel est calculée la pension, c'est l'un des défis auxquels fait face l'Institut National de Sécurité Sociale. Dans cette édition, vous entendrez le directeur général de l'INSS. Et puis un certain Dieudonné Ndikumana se trouve depuis ce mardi dans les mains de la police à Songa en province de Bururi. Il a été attrapé avec 6 faux billets de 5 000 francs burundais. D'autres auraient déjà été utilisés. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. 9 militaires du contingent burundais en Somalie ont été blessés ce mardi lors d'un affrontement entre eux et les éléments terroristes Al-Shabaab. Selon le porte-parole des forces de défense nationale, l'affrontement a eu lieu alors qu'une unité burundaise était en patrouille pour sécuriser une route située dans la localité de Johar du secteur 5 du Middle Shabelle. Suivez le colonel Gaspard Valatouza, c'est le porte-parole de l'armée burundaise. Il s'agissait d'un travail quotidien de nos militaires qui se trouvent dans le secteur 5. C'est la région de Middle Shabelle, localité sur la province de Johar. Il y a deux positions qui sont tenues par les militaires burundais. Ils étaient dans un travail quotidien de patrouille pour sécuriser l'axe routier Lorion, Biokadal et Miltougou. Alors, des Shabab en attente des convois probables étaient embusqués quelque part pour tendre une embuscade à ces convois de ravitaillement, et c'est heurté à nos militaires en patrouille. Il y a eu échange de coups de feu d'une vingtaine de minutes à peu près, comme un bilan. Côté ami, c'est ça que nous savons, mais côté ennemi, pas encore. Il y a eu des militaires qui ont été grièvement blessés, au nombre de 3 qui ont été évacués. Au niveau 2, puisque le niveau 1 traite des blessures légères, alors les 3 cas graves sont en train d'être traités à ce niveau à Mogadiscio, puisque l'évacuation sanitaire a eu lieu au même moment. Alors nous attendons, on ne sait pas encore la situation de ces 3 cas graves, sinon les autres blessures légères ont été traitées sur place et les militaires qui ont été blessés légèrement continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Sinon, Al-Shabaab fait des propagandes, il va tuer beaucoup en mettant sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une communication propagandiste. Dans un point de presse, le porte-parole de l'armée burundaise salue le déroulement et les résultats du recrutement de l'année dernière dans ce corps. Il indique que 109 candidats officiers, 366 candidats sous-officiers et 1100 militaires de rang ont été retenus. Le colonel Gaspard Valatouza précise que ce recrutement a visé le rétablissement des équilibres ethniques au sein de l'armée nationale. Encore une fois, on l'écoute. Pour ce qui est du recrutement de l'année écoulée, on a respecté le principe de 40-60% tout selon une correspondance du Conseil national de sécurité lors de sa réunion tenue au mois de juillet l'année passée, où ils ont vu qu'il y a des déséquilibres dans ces deux corps, le corps de défense et de sécurité. Alors, on a suggéré que à la force de défense nationale, on puisse recruter à raison de 40% pour les Tutsis, 60% pour les Hutus, et l'inverse pour la sécurité publique. Alors, d'après le recensement effectué, bien sûr, par le Sénat qui est en charge du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi des déséquilibres dans les institutions de l'État. Et pour dire le respect de la Constitution, dans son article 258, alinéa 2, c'est stipulé que pour une période à déterminer par le Sénat, aucun corps de défense ou de sécurité ne contiendra plus de 50% d'une ethnie. Donc, c'est pour équilibrer, donc on a respecté le contenu, l'esprit et la lettre de cet article. La Croix-Rouge du Burundi se dit satisfaite de ses réalisations de distribution d'eau potable en vue de lutter contre le choléra qui s'était déclaré fin 2016 en province de Cibitoke au nord-ouest du Burundi. Cela est dit par Vénérant Nzigamasabo, c'est le directeur ayant en charge les programmes au sein de la Croix-Rouge Burundi qui s'est rendu sur les lieux ce mercredi. Il s'est aussi exprimé sur la famine qui s'est déclarée dans cette partie du nord-ouest, mais également dans certains autres coins du pays. Et le ministre de l'Agriculture et de l'élevage appelle les cultivateurs à s'atteler à l'irrigation de leurs champs en vue de parier à la perturbation des changements climatiques observés en ces temps. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, Deogi Derulema a déclaré qu'il y a des régions où les récoltes pour la saison culturelle A ont été en dessous de 50%, mais il tranquillise tout de même la population et l'appelle plutôt à cultiver pour la seconde saison culturelle. Placide Niyomungere pour plus de précisions. Dans cette séance des questions des journalistes, le ministre de l'Agriculture et l'Élevage explique que ces phénomènes de changement climatique sont partagés dans le monde entier. Selon Deogi Derulema, ces aléas ont affecté le secteur agricole et certaines provinces du Burundi sont en dessous de 50% de la production. Et la production de la saison 2017A sera inférieure à 50%. Et dans cinq provinces, Karusi, Kayanza, Cibitoke, Gitega et Ruyigi, nous aurons une production globale qui oscille entre 50 et 60% de la production. Et dans les trois provinces, Changuzo, Rumonge, Muramvya, les chiffres nous montrent que la production varie entre 60 à 70. Et dans les quatre provinces, Rutana, Ngozi, Makamba et Mwaro, la production, d'après les chiffres que nous avons, montre que la production sera supérieure à 70%. Deogi Derulema ajoute que les Burundais devaient adopter la stratégie d'irrigation comme moyen de faire face à ces changements climatiques. Nous sommes en train aussi de sensibiliser la population pour qu'elle puisse renouer avec les bonnes cultures de nos ancêtres. Et dans le temps, on voyait autour des enclos des cultures comme des légumes, des aubergines, des légumes en général. Et ils avaient cette manière de collecter l'eau dans des casseroles ou dans les marmites. Nous allons y regarder de près et sensibiliser la population à ce qu'on puisse renouer avec les bonnes pratiques pour l'irrigation. Et quant aux provinces les plus touchées par ces changements climatiques, Deogi Derulema explique que le ministère est à la collecte des données pour que les semences qui seront distribuées ne soient pas affectées à la consommation. Et nous avons des cadres qui sont sur le terrain dans ces provinces qui sont touchées plus que les autres. Nous sommes conscients que la population peut avoir un déficit de nourriture et si on les ramène les semences pendant cette période, la même population peut consommer les semences. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'organiser, de nous organiser avec nos différents cadres pour que si on va prendre la décision de les épauler en semences, mais de manière suivie pour que ces semences ne se retrouve pas soit dans la cuisine ou sur le marché. Deogi Derulema, qui appelle les agriculteurs aux différents semis, demande à ces derniers d'adopter les cultures de soudure et de mieux gérer l'engrais qui va bientôt être à leur disposition. n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La dévaluation de la monnaie burundaise qui ne concordait pas avec le plafond de 450 000 francs burundais sur lequel est calculée la pension, c'est l'un des défis auxquels fait face l'Institut national de sécurité sociale. Le directeur général de l'INSS, Prosper Bazombanza, dit que cette institution a déjà initié un projet de réalisation des études en vue de mettre en place des lois actualisées de branches de pensions et risques professionnels. Le numéro 1 de l'INSS estimait qu'après ces études, le plafond pourra atteindre 1 million de francs burundais. Suivez Prosper Bazombanza, c'est le directeur général de l'INSS, propos recueilli par Alain Désiré Boukéenèse. Il y a le problème de l'inflation, le problème de la dévaluation. Nos assurés sont touchés aussi par ces effets et aux défis que les assurés ne cessent de décrier. En 2010, il est sorti certaines décisions au même moment. On déplafonnait, on passait du plaçage de 150 000 francs bout au plafond de 450 000 francs bout aujourd'hui. Mais la conséquence est que ceux qui partent ou ceux qui sont partis en pension 3 années après, ceux qui ont un salaire relativement aisé, qui étaient bloqués à 150 000 francs bout auparavant, où les prestations ne pouvaient en aucun cas dépasser 150 000 francs bout, ils se voient pratiquement triplés parce que le plafond est passé du simple au triple, pendant que les prestations en cours de paiement n'ont été valorisées que de 40% seulement. Un autre défi, c'est la question de ceux qui ont pris la retraite, ceux qui ont été envoyés en pension entre 2010 et 2013, qui n'ont pas donc eu le temps de cotiser conformément au nouveau plafond de 450 000. Vient ensuite la grande catégorie de travailleurs qui vont en pension n'ayant jamais atteint ni les 450 000 ni les 150 000 francs bout. Il y a une catégorie des militaires et des policiers. En 2010, il y a eu une loi qui rehausse la base de calcul de 200%, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui devait être accompagné par d'autres mesures. Et je tiens à cœur les autorités du pays parce qu'ils ont accepté de nous accompagner dans cette tâche pour occuper un actuaire qui devrait nous aider à faire l'état des lieux du comité de pilotage qu'on a mis sur pied avec la direction pour que nous puissions faire face à toutes ces questions et voir comment remettre un minimum d'équité pour que l'urgence soit le déplafonnement pour passer nos fisques de 450 000 jusque, et je pense qu'on ne devrait pas aller à moins d'un million aujourd'hui. Une somme de plus de 500 millions de francs burundais pour la contrepartie gouvernementale de bitumage et de la seconde phase de la route Nyakararo-Mwaro-Gitega est prévue pour l'indemnisation de la population qui a perdu soit les terres, soit les plantations qui sont sur cette voie routière. Cela a été dit par le porte-parole du ministère des Finances ce mercredi, après que la Banque africaine pour le développement ait accordé un financement de 18 millions de dollars américains au gouvernement de Bujumbura pour le bitumage de la dite route. Désiré Mouchalitse tranquillise la population. Il déclare que chacun aura ses frais d'indemnisation conformément à la loi. Suivez-le. La Banque africaine de développement vient d'accorder au Burundi 13,8 millions d'unités de compte, qui est équivalent à plus ou moins 18,63 millions de dollars. Et cet argent va servir à la deuxième phase de la route nationale 18, Nyakararo-Mwaro-Gitega. La première phase est presque à la fin, donc ça va servir à la deuxième phase qui va de Mwaro à Gitega. Dans le même cadre, nous avons prévu dans le budget de 2017... une contrepartie pour cette route-là, équivalent à 505 697 069 pour la contrepartie gouvernementale pour cette route. Et une partie de cet argent va servir à l'indemnisation de la population qui aura perdu soit les terres ou soit les plantations qui sont sur cette route. Y compris également ceux qui n'avaient pas peut-être eu leur indemnisation pour la première phase. Donc, nous tranquillisons la population. Chacun, suivant ce qu'il a perdu, aura une indemnisation équivalente conformément à la loi. Désiré Moucharitse, porte-parole du ministère des Finances. Un jeune du nom de Dieudonné Ndikumana se trouve dans les mains de la police en commune Songa de la province de Bururi depuis hier mardi. Il a été attrapé avec 6 faux billets de 5 000 francs burundais et il en aurait déjà utilisé plusieurs autres. L'administrateur communal de Songa appelle sa population à être vigilante. Le point avec Jean-Pierre Misago. Dieudonné Ndikumana a été arrêté dans sa boutique ouverte Andago dans la commune Songa après une fouille opérée par la police accompagnée de l'administrateur communal. Selon Dorothée Niongere, administrateur communal de Songa, c'est la population des environs qui l'a soupçonné et a averti l'administration et la police. Sur lui, ce jeune homme natif de Mugara en commune province Rumonge avait 6 faux billets de 5000 francs burundais chacun et a déclaré qu'il avait déjà mis en circulation 6 autres faux billets. Le commissariat provincial de police à Bururi informe que le nombre de faux billets déjà en circulation à Songa dépasserait de loin celui déclaré par Dieudonné. En effet, selon la police à Bururi, 10 faux billets de 5000 francs burundais chacun qui étaient déjà en circulation avaient été récupérés par la police jusque ce mercredi matin alors que les enquêtes policières se poursuivent. L'administrateur communal de Songa conseille à sa population d'être attentive en échangeant les billets et de dénoncer tout suspect. Quant à elle, la police à Bururi dit enquêter sur ce jeune lauréat d'une des universités privées du Burundi pour tenter de débusquer ce réseau. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Le climat n'est pas au bon fixe entre les fournisseurs de bottes de fourrage et les administratifs ainsi que la police. Nous sommes sur la colline de Wulinga de la commune Gihanga en province de Bubanza. La police et l'administration n'acceptaient pas à ces fournisseurs de bottes de fourrage d'utiliser les cordes issues de faux palmiers, arguant que c'est une forme de destruction de la réserve protégée de l'Ukoko. Et en guise de protestation, ils ont préféré ne pas travailler hier mardi. Spes Caritas Kavanyana. Ce n'est que le soir de ce mardi que quelques fournisseurs de bottes de fourrage ont amené du fourrage qui coûtait entre 7000 à 7500 francs le vélo, alors que normalement un vélo bien chargé coûte 3000 à 3500 francs. Ce malaise qui les a poussés à arrêter le travail et dit au manque de cordes pour faciliter le transport à vélo. Ils utilisent les cordes appelées imiwazi coupées sur les faux palmiers de la réserve naturelle de la Rukoko, une espèce unique au monde selon les experts en matière environnementale. Ces fournisseurs de bottes de fourrage se lamentent que quelquefois les forces de l'ordre les battent et détruisent même ces fourrages pour les empêcher à utiliser ce genre de cordes. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga indique qu'après un entretien avec ces vendeurs de fourrage ce mardi, avec aussi les forces de l'ordre, un consensus a été finalement trouvé. Ces fournisseurs ne vont plus détruire les faux palmiers en cherchant des cordes. Léopold Ndayisaba précise qu'ils vont chercher d'autres cordes et aussi accepter de garer le vélo loin de la route Bujumbura-Rugombo afin d'éviter les accidents de roulage. Merci Spes Caritas. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.